pizzicati, pincement de cœur, quand j'entre dans votre sillage, je croise vos yeux dans un mirage. Pizzicati, l'amour est là, dans la chambre de ton appart, tous yeux noyés dans un arc-en-ciel. Pincement de cœur, quand je vous vois, quand je sens en moi monter la joie, par la beauté secrète du chant qui s'échappe ta voix. Pizzicati, pincement de cœur, quand j'entre dans votre sillage, je croise vos yeux dans un mirage. Et je rêve ma vie dans le gris d'un ciel d'apostasie. Et je vois la beauté s'envoler jusqu'à toi. Pizzicati, pincement de cœur, quand j'entre dans votre sillage, je croise vos yeux dans un mirage. Pizzicati, l'amour est là, dans la chaleur de ton appel, tous yeux noyés dans un arc-en-ciel. Pincement de cœur, quand je vous vois, quand je sens en moi monter la joie, par la beauté secrète du chant qui s'échappe de ta voix. Pizzicati, pincement de cœur, quand j'entre dans votre ciel, je croise vos yeux dans un mirage. Et je rêve ma vie dans le gris d'un ciel d'apostasie, et je vois